Hier, on a fait, j'ai fait une entrevue avec Richard Letourneau. Puis Richard, ben, c'est un gars que je connais personnellement. Et après l'entrevue, ben, on a continué à jaser. Puis j'ai dit, Richard, j'ai dit, c'est quand l'anniversaire des Saguenay? Ben, c'est l'an prochain. J'ai dit, ça serait le fun d'avoir un livre sur l'histoire des Saguenay, sur les 50 ans de l'histoire des Saguenay. Il dit, va en avoir un. Et c'est Serge Lemont, puis c'est écrit par Serge Lemont. Fait que là, hier, j'ai appelé Serge Lemont et on a décidé de parler de ce livre qui va avoir lieu qui va être lancé au mois d'août. Salut Serge! Salut Denis, ça va? Hey, ça va bien, Serge. Parle-moi de ce livre-là que tu es en train de lancer. J'ai vu, tu m'as envoyé une ébauche, là. Puis connaissant ton professionnalisme, connaissant le sens que tu as été pendant plusieurs années sur le beat des Saguenayens, et de la manière que tu m'as conté sur quel format qui va être fait, j'ai juste un mot à dire, c'est wow! Ben, c'est ce qu'on espère que les gens vont dire quand ils vont le voir, parce qu'on essaie de. L'objectif, c'est de produire un livre de qualité, quelque chose que les gens vont conserver. T'sais. On s'est dit, quand on a commencé le projet, on voulait. On s'était dit, on va faire un. Moi, je dis le livre, l'expression de base. On voulait faire un livre de base et ensuite en faire un de collection. Puis en chemin, en cours de route, ben, on a décidé, non, on fait pas. On fait un livre seulement de collection, un livre que les gens vont. Espérons-le qu'ils vont conserver et qu'ils vont apprécier. C'est excellent, là. Je suis en train encore de le feuilleter, là, parce que j'ai eu une ébauche du livre. C'est incroyable. C'est à peu près les gens qui ont vu le livre, Serge, c'est le livre sur Michel Simard, c'est exactement semblable. C'est dans le même style. Je veux dire, côté là, photo, côté. Un livre qui a rien à enlever au livre des Canadiens qu'on lit tout le temps, là, sur l'histoire du Canadien, hein. C'est sûr que tu vas retrouver un côté qui ressemble au livre à Michel Simard, parce que c'est Michel La mise en qui fait la page. mise en page OK. présentement. Ouais. Alors, c'est sûr qu'il travaille en fonction de comment il est habitué à travailler. C'est sûr qu'il va y avoir une similitude entre les deux. Mais jusqu'à maintenant, on est très content de ce que ça donne pour l'instant. Ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on a commencé à, excuse l'expression, mais à fermer des décennies. Et plus on va avancer dans les décennies, on pense que plus il va être beau, parce que là, en autre chose, la qualité des photographies va s'améliorer, puis le choix des photographies va être plus grand. T'sais, quand on parle des années 73-74, ben, t'sais, on est contraint d'utiliser des photographies noir et blanc, puis souvent les photographies sont Ouais. de qualité ordinaire, parce que t'sais, faut se rappeler qu'en 73-74, ben, les gars ils travaillaient avec des appareils du temps, c'est des photographies noir et blanc. Il faut se souvenir aussi que l'éclairage dans les centres au centre Vézina était ordinaire, puis il faut se souvenir aussi que dans le temps, les gens fumaient quand ils allaient au hockey, fait qu'après une tu voyais plus rien. T'as-tu vécu cette époque-là, Serge? Oui, j'ai vécu parce que mon père était journaliste Ok, et ça devait être épouvantable, mais je vais te dire une affaire, là. C'est sûr, en c'est deux contextes particulier. différents, là. Faut pas comparer ça avec la manière qu'on pense aujourd'hui, là. Mais Non. mettons que ça devait sentir tabarouette. Ça sentait, puis tu voyais rien. Quand je Ouais. me souviens, quand j'allais au palais municipal à l'Abbaye, il y avait un restaurant qui était à une extrémité de l'aréna. Fait qu'en troisième période, tu étais au restaurant, puis tu avais de la misère à voir au bout. Hey, C'était incroyable. le temps, c'était la période, c'était permis. En fait, même, je te dirais quasiment que c'était quasiment recommandé de fumer. Là. Tu Ben ouais, voyais ça dans les annonces, c'est une à la époque TV. différente, là. C'est une époque. Oui, c'est ça. On ne peut pas On peut comparer, pas puis comparer, là. en Mais espérant on qu'on va avance. revenir au livre, là. Ce que je suis en train de le feuilleter, c'est incroyable. Moi, je me pose la question. Moi, ce qui m'a impressionné du livre de Michel, c'est les recherches. OK? Ah, c'est C'est l'enfer. incroyable que le livre que Michel a fait, là, avec la Ligue junior régionale, tu sais, c'était. Tu sais, ça fait 40 ans là, que je suis dans le domaine du sport, je m'intéresse au sport, et je suis dans le domaine du journalisme, et ainsi de suite. Moi, Michel m'a impressionné parce que la Ligue régionale, c'était beaucoup plus couvert qu'aujourd'hui, que dans le temps. Il y avait des matchs dans le temps qu'aujourd'hui, il y avait des matchs à la radio, et dans le quotidien, ça parlait de la Ligue régionale, mais c'est quand même rien comparé. Mais il y a quand même des bouts que ça devait être dur à aller chercher des recherches. Toi, comment ça a été? Moi, j'ai travaillé beaucoup à. D'abord, j'ai commencé mon travail en allant aux Archives nationales. J'ai passé un hiver à peu près au complet aux Archives nationales, à feuilleter tous les journaux. Mais moi, la première chose que je me suis dit quand j'ai accepté de ce dossier-là, c'est que... Qui t'a le demandé au départ? T'as déjà accepté, donc t'as eu une demande pour faire ça. C'est Saguenay, j'imagine? OK, c'est bon. C'est une demande des Saguenay. OK. Puis on a... la première chose que j'ai fait, je me suis dit, faut pas que j'oublie un événement majeur. Fait que, faut pas que j'oublie un échange, faut pas que j'oublie un changement d'entraîneur, un changement de direction, et peu importe, là. Fait que je me suis dit, la meilleure façon, c'est de feuilleter les journaux. Fait que j'ai feuilleté tout ce qu'il y a de journaux depuis 1972 pour être certain de rien manquer. Mm. Puis quand je te parle de 72, c'est parce que c'est en 72 que les démarches ont commencé là, pour les Saguenayens. Ouais. L'équipe a commencé en 73, mais les démarches, elles ont... En fait, il y a eu des démarches dès que la Ligue a commencé en 69. Okay. Ça n'a pas marché, mais la démarche qui a mené à l'équipe qu'on connaît, elle a commencé en 72. J'ai regardé tous les journaux, Le Quotidien, Le Progrès, Le Réveil, pour tout poigner, pour tout attraper les événements principaux. Ensuite, j'ai travaillé aussi aux Archives nationales avec leur banque de photographies, parce qu'ils ont quand même plusieurs photographies qui ont été conservées au fil du temps. Fait que c'est avec ça que j'ai travaillé pour bâtir l'ossature du livre. Okay. Ensuite, j'ai commencé à faire des entrevues avec des intervenants. J'imagine qu'ils ont collaboré, là. Ça a pas mal tout collaboré. Ah oui, oui, oui. Tous les gens que j'ai rencontrés, à qui j'ai parlé jusqu'à maintenant, sont bien contents. T'sais. Ce que je veux quand je parle à ces gens-là, c'est qu'ils me racontent des anecdotes, des histoires. T'sais, c'est un mélange de... Il y a des gens qui vont parler de hockey, il y a des gens qui vont parler d'autres choses, d'événements, d'éléments qui touchaient le hockey, mais par la bande, tu sais. Fait que ces gens-là, ils m'ont donné la permission, la possibilité, je te dirais, de que j'appelle de mettre de la viande autour de l'os. OK. Fait que tu sais, tu peux... mettons, là, t'as tu fait des entrevues comparativement à Michel, puis c'est pas un reproche que Michel garde ses 10 sur 10, son livre, là, mais dans le livre à Michel Simon, il n'y a pas d'entrevue, il relate juste des faits. Là, tu vas avoir des faits plus les entrevues. C'est ça qui est fun. Ouais, c'est ça, mais tu sais, il y a des fois que l'entrevue, tu peux retrouver... un paragraphe tu peux te retrouver, comment je peux dire ça? Le commentaire d'une personne peut se résumer à un paragraphe. Mm. D'autres fois, ça peut être 5-6 paragraphes. T'sais, ça dépend des sujets, ça dépend ils n'ont pas tous les gars, ils ont pas toutes la même jasette aussi. Non, non. Mais moi, je voulais faire des entrevues pour, comme je te dis, mettre de la viande autour de l'os. C'était ma façon de travailler. Puis j'ai toujours, quand j'étais journaliste, je trouvais toujours que une entrevue ajoutait un élément au texte. Fait que j'ai gardé cette façon de travailler là. Puis ça ajoute à l'ouvrage. Là. Ouais. Mais puis ça, cette étape-là n'est pas terminée encore parce que je continue toujours à en faire. J'en ai fait encore quelques-unes la semaine dernière. Mais ça ajoute des éléments au texte. Puis moi, je trouvais ça intéressant. C'est ça que je l'ai fait. Le livre, il va être lancé au mois d'août, mais tu vas, je m'imagine, clore avec cette année, là, avec ce qui va se passer à la fin de l'année. Ouais, c'est ça. Cette année en ce moment, je te dirais que l'objectif, là, ouais. En ce moment, l'objectif, c'est de fermer des... dans la mesure du possible, on ferme des décennies. Là, comme on a fermé la décennie 70, mais on peut quand même revenir si je trouve des choses de fun. Mettons, je trouve une photo extraordinaire, ben, t'sais, on va revenir, on va le faire. Ensuite, on va fermer 80 et ainsi de suite. Pour que, je te dirais, quand la saison de hockey va finir, la saison actuelle va finir, ben, ce qu'on aimerait en théorie, là, c'est qu'il nous reste juste ça à fermer. Les années 2020, 2021, 2022. Fait que, normalement, je te dirais, fin du printemps, là, il faudrait qu'on ait pas mal fini le livre. Okay. Parce qu'on a une date d'impression qui est prévue. Okay. Puis, quand on veut le sortir en fin août, début septembre. Okay. Fait que, si je comprends bien, si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit, il faut l'imprimer un mois avant. Fait que, puis, il va être 2000, je pense. Hein? En ce moment, le plan de match des Saguenay, ouais. C'est on en imprime 2000. Okay. Puis, on va le distribuer. On pense que ça va se distribuer assez bien. On va voir si on a raison. On pense que c'est quelque chose qui va être apprécié des amateurs de hockey puis des amateurs tout court de sport. Puis, tu sais, ça est-ce que tu me disais seulement... aussi, en dehors des ondes hier, parce que tout de suite, quand Richard m'a dit ça, je t'ai appelé parce que je voulais vraiment, tu sais, moi, j'ai été impressionné au risque de me répéter du livre de Michel, là. Tu me disais, ça va être une source d'historique pour les Sags, parce que les Sags avaient pas grand-chose dans leur archive aussi. Ben, ils n'ont rien. Ouais, Les Sags n'ont pas d'histoire. ben, C'est quand drôle on à parle dire, d'histoire, c'est mais cette d'archives. année, Ils n'ont rien, ils n'ont pas de. c'est ça. Ils ont pas de, ils ont à peine quelques photographies là, qui sont accrochées au mur, puis même là, il y en a qui sont disparues, que j'ai retrouvées dans un local au Palais des Sports à Jonquière. Ils n'ont pas d'histoire. Tu sais, il n'y a pas eu beaucoup de. Comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas eu de suite entre les différentes administrations. Il n'y a pas eu de suite. Puis les gens, pour une raison ou une autre, ne conservaient pas les choses. Fait qu'il y a pas ils n'ont pas d'histoire avec un grand H. Fait que ce livre-là va permettre à l'équipe d'avoir une histoire. On dit, regarde, si on cherche. T'sais, je vais te conter une histoire. À un moment donné, il y a eu. M'a donné dans une promotion, les Saguenayens avaient donné une barre de chocolat à tous les amateurs. Puis elle m'a donné, pendant le match, ça a brassé, puis tous les amateurs ont lancé leur barre de chocolat sur la patinoire. C'est devenu la soirée de la caravane. Puis la soirée de la caravane, Ça, on dans le parle temps, des années quoi? On c'est parle des années voilà. fin des années 70? 80, années 80. OK. Puis c'est ça. Mais tu sais, souvent, hein, c'était quand la soirée de la caravane? Ben, la soirée de la caravane, elle va être dans le livre. T'sais? Puis t'as la date, puis t'as les événements, puis ta-ta-ta. Fait Le chant de Stéphane que quand tu vas Richer, te poser une question. Les chants de Stéphane Ah, Richer. C'est ça, tu sais, tu vas te poser des questions, ben quand est-ce que c'est arrivé telle affaire, ben ça va être dans le livre. Fait que, tu sais, ce qu'on se dit, ça va être. Là, on se posera plus de questions. T'sais, à un moment donné, il y a longtemps, il y a bien des dirigeants des Saguenayens. Tu sais, quand les Saguenayens ont commencé, leur sigle, c'était une genre de rondelle sur le chandail avec Ouais, un ouais, ouais. éclair entre les couleurs vertes et bleues. Puis après ça, il y a eu l'éclair a grossi, puis il y avait plus de rondelle. Mais bien des gens ont pensé que c'était le premier chandail des Saguenayens, mais c'était pas le premier, il y en avait un autre avant. Fait que ça permet de mettre, d'éclaircir les différents éléments de l'histoire de l'équipe. OK. Dis-moi, il va y avoir des statistiques aussi, j'imagine, toutes les années vont être là. Ça, c'est. Ouais, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on finit chaque saison avec la photographie de l'équipe et avec les statistiques d'équipe. Photographie de l'équipe, ça, Danny, là, ça a été. Puis c'est pas fini, là, il nous en manque encore. Ça a été un travail de moine C'est d'essayer de trouver dommage. des photographies d'équipe. Il y en a qu'on n'a pas encore, là. Je te dirais, par exemple, c'est l'année 99-2000. On ne l'a pas trouvé encore. L'année 2000-2001, Putain, ça fait pas on ne l'a si pas longtemps trouvé que ça, encore. pareil, 2000-2001, là, c'est pas Ouais, drôle. Ouais. 2000-2001, mais tu sais, en 2000-2001, je pense que je vais être capable de Avec le m'arranger parce que quotidien. c'est le début du. Non, parce que les photos d'équipe n'étaient pas dans les journaux. OK. Les photos d'équipe qui étaient prises par l'organisation, puis tu sais, soit l'organisation les conservait, en donnait une copie aux joueurs, ou tout simplement s'en servait seulement pour mettre se faire une photo à l'entrée de l'aréna, puis ça s'arrêtait là. Fait que, tu sais, mais à partir de 2000-2001, c'est le début du groupe à Guy Carbonneau. OK. Puis je pense que là, je devrais être capable de la trouver. Mais tu sais, 99-2000, j'ai parlé à une couple de joueurs de cette édition-là il y a quelques semaines. Puis les gars m'ont dit ça. On n'est même pas sûr qu'il y en a eu une pour les photos d'équipe cette année-là. Fait que tu sais. Mais c'est ça. Si t'as des auditeurs qui ont la photographie de l'équipe des Saguenayens 99-2000, Ben ouais, Serge est preneur. C'est Serge est preneur parce qu'on la cherche, Comme on cherche ça activement. te donnait comment. C'est Serge, là aujourd'hui, t'es à la retraite, là. Comment t'as mis d'heures en moyenne par ça? Ah, j'ai aucune idée. OK. J'ai difficile à dire. Mettons ça fait 10-15 trois heures ans par que ça. jour à peu près. Ah, pas par jour. Dix-quinze heures par jour, mais par semaine, par tu dis? semaine. Ouais. Ouais, par semaine. Tu sais, Ouais. mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, je te dis je travaille là-dessus depuis 3 ans. Là, je t'ai parlé du rush que j'ai eu avec la société historique, où j'ai travaillé beaucoup. Mais tu sais, ça n'a pas été intensivement pendant 3 ans. Tu sais, il y a des périodes que j'ai relâché. Mettons, au cours de l'été, je faisais pas grand-chose. Mais c'est certainement, tu sais, ça se compte en milliers d'heures, là. Ah ouais, Je suis pas 10-15 capable de heures, donner mettons, 6 mois un par chiffre an. exact. C'est incroyable, juste la recherche, là, c'est. Ouais, mais Ouais. c'est pas grave. C'est Mais non, mais c'est un beau projet de tout retraite, là. un. Ouais, c'est ça, c'est un beau projet parce que ça occupe. Puis, tu sais, quand tu fais la recherche, quand tu t'amuses à regarder tous les journaux à partir de Ah oui. 1972, ben, c'est pas juste l'histoire des Saguenayens que tu vois, Mais c'est ouais. l'histoire de la région. As-tu Parce que, contribué tu au livre à sais. Michel? À Michel Simon, tu sais. Comment? Parce que je sais que Michel Simon t'aide. Est-ce que Est-ce que tu as aidé à Michel Simard aussi, vice-versa? Non, son... non, Michel, non? Il a okay. fait son... En fait, nous autres, ce qui est arrivé avec Michel, c'est que Michel, il a fait son livre, son... c'est son troisième, sur le hockey junior de son côté. Je savais qu'il faisait. Le... Je pense que le seul élément que je lui ai donné à Michel, c'est que je lui ai fait... Je pense que je l'ai mis en contact avec mon père, mais je ne suis même pas sûr. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, Michel, quand il a fait le lancement de son livre, il est allé au Saguenay pour un match. Puis les gens pouvaient l'acheter durant le match. Puis quand Richard Letourneau puis moi, on a vu le livre, on a rencontré Michel, en fait, ça devait être en deux périodes, mais c'est devenu pendant toute une période. Puis on a trouvé, tu sais, on a trouvé son livre beau, puis tout à temps. Puis à force de jaser, ben Richard a demandé à Michel si ça l'intéressait de se trouver, de mettre en page le livre des Saguenayens. Okay. Puis Michel a accepté, puis tout, on était bien contents parce qu'on, tu sais, on a vu le résultat de son travail, puis on savait que ça serait beau. Puis, tu sais, connaissant Michel depuis très longtemps, je savais que c'était un... Tu sais, Michel, c'est un passionné, là. Quand il embarque dans quelque chose, là, il embarque au fond, là. Puis il a embarqué dans le livre des Saguenayens au fond, là. Fait qu'on est bien contents, puis moi, je suis très content de travailler avec. Donc, on rappelle, ça sort le mois d'août, début septembre, pour le lancement... Début septembre. Oui, pour le lancement des festivités. J'imagine qu'il va y avoir plein de festivités qui vont être annoncées pour le 50e. Il n'y a pas rien que le livre. J'imagine que connaissant les SAGs, ils vont faire venir des anciens, et ainsi de suite. Donc, ça va être pas mal intéressant. Donc, c'est pas mal... J'ai déjà hâte. Moi, j'ai vu les 50 premières pages. C'est un livre de quoi? 400 pages, à peu près? Autour de 360-400 pages, ça va ressembler à ça. Tu sais, il y a des saisons qui sont, qui sont plus longues que d'autres, là, parce qu'il faut, tu sais, une saison, les saisons où ils ont gagné des championnats, ben, on a beaucoup de photos, on a beaucoup de choses à dire, fait que, mais en 360 et 400 pages, c'est ce qui est prévu. OK. Ben, donc, on invite les gens à rester aux aguets, ça sort très, très bientôt, j'ai déjà très, très hâte. Serge, on se reparle au lancement du livre. Ça fait plaisir d'aller. L'ex-journaliste du Journal Quotidien, Serge.